Conte de fées en français. Jasper, le gardien des lièvres. Il était une fois un roi qui régnait sur un royaume si petit que ses frontières étaient visibles à l'horizon et il l'aimait beaucoup. Le roi avait une fille et il espérait la marier un jour à un homme sage et intelligent qui, un jour, deviendrait un bon roi pour son peuple. Il annonça alors dans son royaume et tous les royaumes alentour que celui qui souhaitait épouser sa fille devra remplir deux conditions. Premièrement, il devra ramener au roi une collection des plus belles perles du monde. Et deuxièmement, il devra réussir des missions spéciales décidées par le roi. Très vite, des fils de nobles, princes et marchands se rendirent au palais en grand nombre. La plupart d'entre eux apportèrent une collection de leurs plus belles perles. Mais aucun d'eux ne put remplir les missions décidées par le roi. Ils furent tous renvoyés chez eux sans avoir même pu vraiment voir la princesse. Rapidement, le nombre de prétendants potentiels s'amenuisa et le roi commença à s'inquiéter. Notre monde est si grand et il n'y a aucun homme convenable pour notre fille. Ils étaient souvent pompeux, parfois fous ou fainéants. Qu'adviendra-t-il de notre fille et de notre royaume quand nous ne serons plus là? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui sera assez intelligent pour arriver à faire ce qu'on lui demande. Et en effet, près de la mer, dans ce royaume, vivaient un pêcheur et ses deux fils, Paul et Jasper. Paul était l'aîné. Il était fainéant et arrogant, tandis que Jasper était intelligent, bon et travailleur. Paul, réveille-toi! Tu es encore au lit alors que Jasper a déjà préparé les filets de pêche et le bateau. Papa, si tu crois que je suis fainéant et inutile, pourquoi me demandes-tu de faire des choses? Demande donc à Jasper. Ce jour-là, le pêcheur eut de la chance. Il attrapa dans ses filets 20 huîtres. Et quand il les ouvrit, il trouva avec émerveillement que chaque huître contenait une perle aussi incroyable qu'une étoile dans la nuit. Pour sûr, c'était les plus belles perles du monde. Il rentra à la maison et montra les perles à ses fils. 20 perles, aussi brillantes que les étoiles. Papa, maintenant que nous avons des perles, pourquoi ne pas aller au palais et essayer de remporter le cœur de la princesse? Je vais vous donner à chacun la moitié des perles. Et d'abord Paul, puis Jasper, vous irez tenter votre chance. Ainsi, Paul partit avec ses perles dès le lendemain. Il marchait dans la forêt quand soudain, il entendit une voix. S'il te plaît, peux-tu nous aider? Paul regarda autour de lui et remarqua une fourmi qui grimpait sur son bras. Salut! Là, sur ton bras! Peux-tu nous aider? Des insectes essayent de nous piquer notre maison. Nous devons la défendre, mais nous avons besoin d'aide car on n'y arrive pas toute seule. À l'aide, s'il te plaît! On t'aidera en retour un jour. Comment une fourmi pourrait-elle aider un homme? Va-t'en! J'ai mieux à faire que de m'occuper des petits problèmes de bestioles. Et Paul reprit sa route. Plus loin, il croisa une vieille femme. Bonjour, jeune homme. Que portes-tu avec tant de soin, dis-moi? Je porte des cendres. Vous en voulez un peu? Des cendres? Vraiment? Bon, mais as-tu aussi un peu de pain? J'ai tellement faim. Et toi, là où tu vas, on te servira sûrement à manger. Aide-moi, s'il te plaît. Je vous ai dit que je n'avais que des cendres. Alors allez-vous-en. J'ai mieux à faire que papoter avec une vieille dame curieuse. Paul arriva au palais et montra ses perles au roi et à ses joailliers. Votre Majesté, je n'ai jamais vu de perles aussi brillantes toute ma vie. En effet, elles sont exquises. Mais enfin, que se passe-t-il? Les perles viennent de se transformer en cendres. Tu as amené de fausses perles au roi? Comment oses-tu? Jeune homme, je suis déçu qu'un homme comme toi vive dans mon royaume et en respire l'air. Pars d'ici et ne te montre plus jamais devant moi. Va-t'en avant que je ne t'enferme au donjon pour toujours. Paul courut hors du palais aussi vite que possible. Il arriva chez lui et se terra dans son lit. Il était clair pour son père et pour Jasper que Paul n'avait pas réussi. Jasper, c'est donc à ton tour d'essayer. Alors, le lendemain, Jasper s'en alla pour le palais. Sur son chemin, alors qu'il traversait la forêt, il entendit une voix. S'il te plaît, peux-tu nous aider? Qui est-ce? Mais d'où vient cette voix? Regarde par ici, sur ton bras. Je suis le roi des fourmis. Des insectes essayent de prendre notre maison dans laquelle nous vivons depuis des années et on se bat pour la défendre. Mais hier, on a perdu beaucoup de nos troupes et nous ne pouvons plus y arriver sans aide extérieure. Peux-tu nous aider, s'il te plaît? Ce n'est pas juste de se faire prendre sa maison. Bien sûr que je vais vous aider. Accompagne-moi donc près de leur chef. Oh, roi des scarabées! Comme tu peux le constater, je suis bien plus grand que toi, et bien plus fort aussi. En un seul coup de ma botte, je pourrais détruire ton armée. Maintenant, le roi des fourmis est mon ami. Et ce que tu fais à lui et à son peuple n'est pas juste. Alors, veux-tu que j'utilise ma botte? Ou vas-tu laisser les fourmis tranquilles et ne jamais plus leur faire de mal? On promet de laisser les fourmis tranquilles. Votre Altesse, roi des fourmis, je vis dans une cabane au bord de la mer. Si on vient encore vous menacer, envoie quelqu'un me chercher chez moi. Je vous protégerai. Je le promets. Ça ne sera pas nécessaire. Retrait des troupes. Merci beaucoup pour ton aide. Pas de problème. De toute façon, personne ne devrait maltraiter autrui impunément. En gage de remerciement pour ton aide précieuse, grand Jasper, je te donne ma parole solennelle que si un jour tu as besoin de notre aide, tu n'auras qu'à crier « Roi des fourmis !» Et je te le promets sur ma couronne, on arrivera en courant, où que tu sois. Merci, Votre Majesté. Je m'en souviendrai, je vous jure. Jasper reprit son chemin et rencontra un peu plus loin la vieille dame. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Que portes-tu donc avec tant de soin, dis-moi? Oh, ce sont des perles pour le roi. Je suis en route pour le palais pour aller le rencontrer et voir si je peux remporter le cœur de la princesse. Donner des perles au roi, c'est facile. Mais remplir ses missions, c'est très dur. As-tu du pain avec toi? J'ai vraiment faim et on t'offrira sûrement un repas au palais, n'est-ce pas? Aide-moi, s'il te plaît. Mais bien sûr. Et la ville n'est pas loin. Servez-vous, je vous en prie. Bonne journée. Tiens, prends ça. En échange de ta gentillesse, prends ce sifflet, s'il te plaît. Ça paraît peu de choses comme ça, mais en soufflant dedans, tout ce que tu désires te sera offert, mon garçon. Ah, ça, c'est un cadeau extraordinaire, madame. Merci, madame. Merci beaucoup. Peu après, Jasper arriva au palais et présenta ses perles au roi. Les bijoutiers et les courtisans furent ravis. Oh, je n'ai jamais vu de telles perles avant aujourd'hui. On dirait que leur brillance augmente à chaque minute qui passe, Votre Altesse. Oh oui, elles sont merveilleuses. Où les as-tu trouvées, jeune homme? Mon père les a attrapées avec son filet de pêche, sire. Son filet de pêche? Ton père est donc un pêcheur? Oh oui, Votre Majesté, il est pêcheur. Il nourrit le royaume avec les poissons qu'il pêche. Mon père travaille dur et je suis fier de lui. En effet, jeune homme, ton père travaille très bien. Parfait. Va te reposer maintenant et nous commencerons les tests demain. Ainsi, le lendemain, le roi fit appeler Jasper et l'amena à la réserve à grains où était entreposé un immense tas de grains mélangés. Comme tu le vois, 5 types de grains différents ont été mélangés. Si tu parviens à les trier en constituant 5 tas d'ici au coucher du soleil, on passera à l'épreuve suivante demain. Mais si un seul grain se trouve dans la mauvaise pile, tu rentreras chez toi. À vos ordres, sire. Je vais faire de mon mieux. Alors, le roi fit enfermer Jasper avec les grains, de façon à ce qu'il ne reçoive aucune aide, et qu'il se débrouille tout seul avec cette mission impossible. Jasper essaya pendant 1 heure, mais il réalisa assez vite que la tâche était trop difficile pour y arriver seul, dans le temps imparti. Oh, comment faire? Chaque grain est encore plus petit qu'une fourmi, et je dois... Attends, une fourmi? Le roi des fourmis! Il a dit que je pourrais l'appeler quand j'en aurais besoin. Eh bien, c'est maintenant. Votre Majesté, roi des fourmis! Je suis là, mon ami. Dis-moi, que peut-on faire pour toi? Vous êtes venu. Je t'avais dit qu'on pourrait venir, où que tu sois. Jasper expliqua au roi des fourmis quelle mission impossible on lui avait donnée. Va donc te reposer un peu dans ce coin là-bas. Mes fourmis et moi, on va finir le travail en un rien de temps. Ainsi, le roi des fourmis et son peuple finirent de trier les grains en 5 tas bien nets, de sorte que quand le roi revint à l'heure prévue, il fut choqué de voir que non seulement Jasper avait rempli sa mission, mais qu'il avait aussi eu le temps de faire une sieste. Jasper, comment as-tu trié les grains si vite? Bon travail! Mais dès demain, tu auras une autre mission. Le lendemain, le roi fit venir Jasper dans un pré. Jasper, j'ai demandé à mes chasseurs d'attraper 100 lièvres, juste pour ce test. Tu vas devoir t'en occuper. Ils vont courir dans le pré toute la journée. Et quand le soir viendra, avant le coucher du soleil, tu devras rentrer au palais avec chacun d'eux. Si seulement un lièvre manque à l'appel, tu auras raté ta mission. Et tu devras rentrer chez toi. Je vais faire de mon mieux, Votre Majesté. Jasper savait que la mission était impossible. Qui pourrait garder le contrôle sur 100 lièvres qui allaient courir n'importe où dans le pré ou dans la forêt derrière? Et pourquoi retournerait-il auprès de Jasper alors qu'ils venaient de gagner leur liberté hors des cages du roi? Dès qu'ils furent relâchés, les lièvres coururent dans tous les sens et bientôt, ils furent introuvables. Jasper semblait avoir échoué à sa mission et par habitude, il enfonça ses mains dans ses poches. Il y trouva le sifflet que la vieille dame de la forêt lui avait offert. Il souffla dedans et tous les lièvres revinrent auprès de lui en un instant. Ainsi, quand il fut l'heure de repartir au palais, Jasper utilisa le sifflet et retourna au palais avec les 100 lièvres. Il y a bien 100 lièvres, sire. Je n'y crois pas. Tu es vraiment intelligent. Tu as rempli ces missions impossibles. Bravo! En fait, sire, je n'ai pas réellement réussi ces missions par moi-même. J'ai reçu de l'aide. Comment est-ce possible? Jasper raconta tout au roi, de l'aide du roi des fourmis, au sifflet offert par la vieille dame dans la forêt. Vous voyez, sire, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas rempli ces missions par moi-même. Eh bien, à mes yeux, tu as réussi les tests, mon fils, car l'aide que tu as reçue n'était qu'un retour de tes bonnes actions et de ta gentillesse. Tu seras le bon gouverneur pour mon royaume. Mais est-ce que la princesse veut bien m'épouser au moins, sire? Oui, tu es un homme bon, sage et intelligent, Jasper. Je veux bien t'épouser. Et c'est ainsi que Jasper et la princesse se marièrent lors d'une grande cérémonie. Et ils vécurent heureux pour toujours.